celle que je crois, celle qui me donnait parfois des pensées magnifiques, une poésie magique, celle qui autrefois aurait contourné la loi, celle qui autrefois aurait dérogé un roi. La passion grande illusion, je ne sais pourtant ses yeux, qu'on allait tomber amoureux. Elle n'était pas celle que je crois, celle qui me donnait parfois des pensées magnifiques, d'une poésie magique, celle qui autrefois aurait contourné la loi, celle qui autrefois aurait dérogé un roi. La passion du frisson est une grande illusion. Je lisais pourtant dans ses yeux qu'on allait tomber amoureux. La passion du frisson est une grande illusion. Je lisais pourtant dans ses yeux. Celle qui autrefois aurait échappé.